Et si, en suivant le trait d'un dessinateur de BD, on redécouvrait notre ville ? Pour en parler, je vous emmène dans l'atelier de Gerloc, auteur dessinateur de BD, à Avignon. Bonjour, ben moi c'est Gerloc, je suis blond, aux yeux bleus, 1m80, mon pseudo sur Mythique c'est Coco Gerloc. Non, plus sérieusement, je suis Gerloc, auteur de bande dessinée. J'ai sorti une bande dessinée sur le Festival d'Avignon et je vais vous en parler. Alors l'histoire de mon festival, c'est en fait ça reprend une édition du Festival de Théâtre d'Avignon. C'est un peu comme si j'avais fait un carnet de voyage, bande dessinée, c'est entre les deux, sur le Festival d'Avignon. Donc en fait ça commence avant que le festival ne commence, c'est-à-dire quand les techniciens commencent à arriver, les comédiens également. Et puis ensuite, il y a le festival qui est officiellement lancé. Et donc là, il commence à y avoir une espèce d'euphorie dans la ville. Et pendant 3 semaines, en fait, on voit ce qui se passe dans les rues, essentiellement dans les rues. Enfin, ça parle, en fait, ça parle pas de théâtre, ça parle de ce qui se passe dans la rue pendant le festival. En fait, donc, comme je disais, il y a cette euphorie pendant une semaine, 2 semaines. Et puis au bout de la 2e semaine, ça commence à être plus de l'agacement, de l'énervement. Les gens commencent à être un peu plus sanguins, etc. Et pour finir, après, il y a une petite pointe de nostalgie quand le festival se termine et on a tous envie que, bah, que ça recommence l'année prochaine. Ça raconte un peu ça, voilà. Et c'est ma première BD, oui. En fait, j'ai toujours aimé dessiner et j'aime aussi raconter des histoires quand même. Mais surtout, c'est surtout le dessin qui m'intéresse. En fait, à côté, je suis aussi illustrateur et je m'étais dit, bon, c'est un peu un fonctionnement un peu bizarre, mais je m'étais dit, avant 30 ans, je ferai une bande dessinée. Et du coup, il fallait vraiment que je me dépêche. et quand je suis arrivé à Avignon, en fait, il y a quelques années, je me suis dit, ben, il y a un truc à faire avec le festival. Il y a vraiment des histoires qui se créent dans le festival sans que j'ai vraiment besoin de les créer. J'ai juste allé les chercher, en fait. Du coup, je me suis dit, ben, ça va être peut-être un peu plus facile pour faire une bande dessinée. J'ai toujours plus ou moins un carnet sur moi, un carnet de croquis, dans lequel je dessine ce qui se passe dans ma vie, quoi. Je dois en avoir maintenant 20 depuis que j'en fais, quoi. Et quand je suis arrivé à Avignon, c'était en juin, donc un mois plus tard, le festival commençait, et même 2 semaines après que je suis arrivé, il y avait déjà les techniciens qui arrivaient, et franchement, quand on regarde bien, on les voit arriver, quoi. Et donc je commençais à dessiner ça dans mon carnet en me disant tiens voilà l'arrivée des comédiens, voilà l'arrivée des techniciens. Du coup je fais les clous des théâtres sans aller voir les spectacles, enfin, toujours pour en fait écouter un maximum ce que disaient les gens. Je me suis baladé dans la rue et tout ce qui s'y passait, tout ce que les gens pouvaient dire, ben, quand c'était un minimum drôle ou cocasse ou parfois même poétique, ben, je le retranscrivais sur mon carnet. Et après j'ai fait ça 3 ans de suite et j'ai fait un mix de tout ça pour en faire cette bande dessinée. Du coup, des fois, j'ai vraiment remis tout en page et ça fait des vraies planches de bande dessinée. Et des fois, c'est vraiment juste une illustration à l'aquarelle, comme dans un carnet de voyage, quoi. Alors, ça m'a pris 3 ans, mais en réalité, ça aurait pu me prendre qu'une seule année. Parce que, bah, comme c'est un nouveau médium pour moi, j'ai dû me chercher. Parce qu'en fait, quand on est illustrateur, on doit répondre à des codes. Et du coup, on doit vachement formater son trait et son dessin. Et du coup, là, pour le coup, il fallait pas du tout faire ça. Il fallait faire quelque chose de plus sensible. Et j'ai dû travailler là-dessus. Il y a des planches que j'ai fait sans mentir vraiment une bonne 30aine de fois, avec des traits très légèrement différents, mais c'était hyper important pour moi. Et du coup, c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Quand on passe du métier d'illustrateur à celui d'auteur de BD, c'est que quand on est illustrateur, on répond à des commandes. Que du coup on doit répondre à des tendances, à des styles actuels. Enfin aujourd'hui, ce qui marche bien, ce qui se fait beaucoup, c'est les choses vectorielles, donc c'est-à-dire faites sur Illustrator et hyper épurées. Alors que moi, mon dessin, en réalité, il n'est pas comme ça. Et ça a été ça qui a été difficile, c'est de devoir dessiner autrement, en fait. Créer une histoire, c'est pas évident, et c'est pour ça aussi que bon, parler du festival d'Avignon, c'était plus facile pour moi, parce qu'en fait l'histoire, enfin, du moins comme j'en parle, elle est dans la rue, en fait c'est pas vraiment moi qui l'écris, moi je fais que retranscrire ce que je vois, je sublime, on va dire, mais j'invente pas une histoire de A à Z. En fait elle est déjà là, il y a juste à aller choper le truc qui fait que ah oui, avec ça on peut faire une histoire, avec ça on peut raconter un truc, quoi. Alors sur les 3 années, on peut croire qu'il va y avoir des choses différentes, mais en réalité non, en fait un festival d'Avignon c'est toujours plus ou moins la même chose en fait. Il y a toujours les mêmes temps forts, les mêmes temps calmes, les mêmes ambiances au même moment, comme je disais tout à l'heure, l'euphorie au début, la nostalgie à la fin, l'énervement, etc. Du coup, c'est ça aussi, c'est qu'en fait au bout de 3 ans, je me suis rendu compte que ça apportait pas grand-chose de plus. D'une année sur l'autre, que du coup c'était bon, là j'avais fait le tour et qu'il fallait que ça sorte maintenant cette BD, et qu'un mix des trois éditions, en fait nous ne pouvons en faire qu'une seule parce que dans une seule édition on peut vraiment rencontrer tout ce qu'il y a dans la BD quoi. En Oui. fait, ce que j'ai vécu en 3 ans, on peut le vivre en un an quoi. Oui. Enfin, en une édition. Et du coup, au cours de ces 3 ans, montrer s'est affiné et s'est affirmé, et donc ça a aussi servi à ça. Alors quand tu reçois ta bande dessinée au début, t'es content, même si c'est un peu bizarre parce qu'en fait c'est un camion polonais qui vient te la livrer et tu te dis tiens c'est bizarre, pourquoi ça vient de Pologne? Mais bon voilà. Et en fait c'est des stratégies commerciales voilà, pour dépenser moins d'argent. Bon, enfin bref, je cautionne pas forcément tout ça, mais bon bref, c'est ce que ça m'a fait quand même. Enfin voilà. Donc t'es quand même content parce que bah, t'as un objet quoi en fait. C'est comme la première fois où tu fais une affiche, t'es hyper content. Bah là t'as une BD donc c'est comme si t'avais fait 70 affiches en fait. Et puis t'as la couve quoi qui est... Ça fait vraiment un objet quoi. Tu l'as entre les mains, tu peux le manipuler, c'est super sympa. T'as l'odeur aussi du papier et tout. Puis tu te dis ouais, mes parents ils vont la lire quoi. T'es trop content quoi. Et après tu l'ouvres et tout, puis bah, tu peux pas t'empêcher de voir ce qui va pas, quoi. Parce que c'est toi qui l'as fait et que ça rendra jamais pareil, et que ça rendra jamais pareil dans une bande dessinée que dans ton carnet de croquis, et t'es toujours un peu déçu par rapport à ça. Mais j'en ai parlé avec plein de gens, plein d'auteurs qui m'ont dit, de toute façon tu seras jamais 100% satisfait de ta bande dessinée, parce que forcément l'impression, ça rend jamais la même chose qu'un original, quoi. Mais je suis quand même très content. Concernant l'impression en Pologne, en fait, en tant qu'auteur, t'as pas grand-chose à dire. C'est ton éditeur qui gère cette partie-là. Et en fait, c'est un peu la surprise, quoi. Tu le sais pas au départ, quoi. Et c'est comme ça, enfin, faut que tu l'acceptes, sinon elle sortira pas ta bande dessinée, quoi. Du moins, pas avec cette maison d'édition. Alors, quand t'es auteur de BD, ben oui, forcément, t'as un investissement de temps. Mais t'as aucun investissement financier, en fait. Parce que ben, ça, c'est le rôle de l'éditeur. En fait, l'éditeur, lui, il est là pour... parier sur ton projet, donc c'est lui qui va normalement mettre l'argent sur la table pour imprimer le bouquin et ensuite espérer qu'il se vende et récolter de l'argent dessus. Et toi, en tant qu'auteur, tu vas toucher 8% sur le prix de vente d'un album, en fait. Donc, ce qui est au final quand même très peu. Bah, je suis très content parce qu'elle a eu un petit succès quand même. Enfin, au bout de 6 mois, les stocks ont été épuisés. Du coup, bah, moi j'ai envie d'en refaire. Déjà de rééditer mon festival, enfin cette bande dessinée, et surtout de faire d'autres bandes dessinées, quoi. Et c'est en cours. Aujourd'hui, j'ai vachement envie de faire de la bande dessinée d'humour. Et là, je suis sur un projet avec un scénariste qui s'appelle Gaël Roux, qui habite Avignon également. C'est un projet qui s'appelle Le Rien ne sert de courir, avec un point d'interrogation. Et en fait, ça traite. Donc, c'est un comic strip, donc il y a une chute à chaque planche. C'est de l'humour noir, très très noir, et ça traite de la dépression, qui est un mal qui touche pas mal de gens quand on regarde bien. Mais là, c'est vraiment avec un ton très humoristique, comme je disais. Et donc, c'est un mec qui fait une dépression, qui est symbolisé par un nuage. Et pour s'en débarrasser, bah, il va se mettre à courir, à faire du sport en fait. Et ils vont entrer en dialogue tous les deux et. Jusqu'à ce qu'il trouve son bonheur et qu'il puisse vivre avec à la fois sa dépression et son bonheur et faire avec quoi en fait comme tout le monde. Bah, ce qui a été difficile, ça a été pour moi de trouver un style, comme je disais tout à l'heure. Après, trouver un éditeur finalement, ça n'a pas été si difficile que ça. Après, j'ai fait aussi un truc qui est, enfin par rapport à ça, c'est j'ai suivi un conseil de Johannes Farr, enfin je l'ai entendu dire ça une fois à la radio, il disait que 0% ça n'existait pas, enfin le noir et le blanc en gros ça n'existe pas, qu'il y avait toujours du gris quoi, et qu'en fait si tu envoyais ton projet à 100 maisons d'édition, tu allais forcément avoir 1% de bonnes réponses. Donc c'est ce que j'ai fait, et bah, ça s'est arrivé. Et ça, c'est quand même un truc que je retiens, que je trouve assez intéressant. Et après, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, et je pensais pas aimer ça, c'est les séances de dédicace, où en fait on rencontre des gens, et en fait la dédicace, c'est presque juste un prétexte pour parler avec quelqu'un en fait. Enfin, t'as vraiment l'impression que la personne qui vient se faire dédicacer son bouquin, c'est juste parce qu'il veut te parler en fait. Et ça, c'est super agréable parce que même toi, tu découvres des gens. Et c'est un truc que, enfin, quand tu dessines, t'es souvent seul en fait. Et du coup, quand t'arrives à faire des journées où tu rencontres 50 personnes, bah, ça fait un autre quotidien et c'est assez intéressant. Ça, c'était assez plaisant. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien dans cette aventure. Je pense pas que le trait va évoluer avec ça. Je pense plutôt qu'il va évoluer. Il va évoluer parce que. Parce que je prends confiance en mon trait dans ce domaine-là, quoi, en fait, tout simplement. Hein. Parce que j'y passe plus de temps qu'avant aussi, quoi. Ouais, ça m'a fait vraiment. Ça m'a fait. On va dire que mon projet professionnel n'est plus le même. Enfin, je cherchais à évoluer professionnellement. C'est vrai que la bande dessinée, ça peut être une voie. Je pense que quand on pense que c'est ce qu'il nous faut, il faut le faire, quoi. Enfin, et que forcément, enfin pour moi, si on y croit vraiment, et qu'au fond de nous, c'est hyper, hyper ancré, enfin, je pense qu'on devrait y arriver normalement, quoi. Enfin, du moins, si on n'arrive pas au but, on va s'en approcher, quoi. Et du moins, on va avancer, quoi. Donc, il faut se lancer. Mon esperluette dans le monde de la bande dessinée, alors comme ça, rue pour point, c'est un peu difficile à dire, mais ce qui me vient en tête, c'est peut-être parce que j'y ai pensé aujourd'hui déjà, c'est Fabien Toulmé. Enfin, j'ai pensé à lui aujourd'hui, enfin bref. Et, c'est un auteur de bande dessinée qui habite à Aix-en-Provence, qui est pas du tout auteur de bande dessinée à la base, il est ingénieur, il me semble. Et en fait, il se trouve que dans sa vie, bah, il y a eu une espèce d'aventure. Enfin, il a eu une fille trisomique. Et c'est quelqu'un qui a toujours aimé dessiner et qui avait envie de faire ça quelque part. Et il a profité de. Enfin, profité, je ne sais pas si c'est le mot, mais du moins, le fait qu'il lui arrive cette chose. Enfin, qu'il lui arrive. Le fait que cet enfant arrive dans sa vie, en fait, il a eu envie d'écrire une bande dessinée. Et ça a été un succès fou. Et depuis, il est devenu auteur de bande dessinée. Et. Bah ça, je trouve ça pas mal et moi je me retrouve là-dedans dans le sens où je suis pas auteur de bande dessinée. Je suis pas auteur de bande dessinée à la base. Et même si j'ai un métier qui s'en rapproche plus que lui, bah, je me dis que tout est possible quand même, enfin que tout est possible, qu'on peut arriver à faire de la bande dessinée, même si on n'a pas fait d'études pour ça et qu'on n'est pas dedans à la base, quoi. Sinon, donc j'ai deux esperluettes aussi à Avignon. La première, ça serait le fanzine Maudit Tintin. Donc, un fanzine avignonnais dans lequel il y a un peu de tout et n'importe quoi, mais c'est un joyeux bordel, mais ça vaut vraiment le coup de le découvrir. Donc il y a de la BD, des nouvelles, des articles sur des groupes de musique, etc. Voilà, donc à découvrir. Et puis l'autre chose, c'est l'association ArtsUp qui est dirigée par Delphine Bardet, qui développe et promeut les arts visuels. En fait, elle place des artistes dans des ateliers qui ont lieu dans des maisons de retraite, dans des écoles, dans des hostos, où elle fait des expositions. Et elle aide du coup les artistes à vivre de leur art d'une manière un peu commerciale, mais il faut bien qu'ils vivent un petit peu. Donc du coup, voilà, c'est une manière de faire que les artistes gagnent de l'argent tout en pratiquant leur art, quoi. Voilà. Bah merci à vous, Esperluette, et à une prochaine. Merci à toi, Gerlock, d'avoir partagé avec nous ton expérience de créateur de BD. Puisque c'est l'heure des remerciements, j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont aidé dans ce projet, car un épisode, ça ne peut se réaliser seul. Merci notamment à Jean-Philippe Drécourt et à Gerlock qui ont eu la gentillesse de faire notre identité sonore et visuelle. Merci également à Julie pour tes idées et tous tes conseils. À une prochaine, on l'espère, Luette, évidemment. Espère Luette. Espère Luette. Espère Luette. Tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong t